Le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Pectosan 2017, le comité Suisse-Corée et le cercle d'études des aides du Tutsé de Suisse ont publié le 16 une déclaration commune en signe de soutien à la lettre des participants à la conférence du gouvernement des organisations politiques et sociales de la République populaire démocratique de Corée adressée au secrétariat de l'ONU. Le même jour, les organisations suisses ont également mis en public une déclaration commune contre les menées d'agression et de guerre insensées des États-Unis à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée.